Moi je n'étais rien que celle qu'on abandonne. Comme toi, je n'ai pas eu d'enfance. Je n'étais qu'un peu de rêve en somme. Comme toi, j'attendais ma chance. Comme toi, j'ignorais qu'un jour.